Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, remplie de petits bonheurs au quotidien. Et peut-être que certains d'entre vous planifiez d'acheter une auto en 2023, alors il y aura un sujet pour vous à l'émission d'aujourd'hui. Les voitures électriques se multiplient sur les routes du Québec et beaucoup y voient la solution pour lutter contre les changements climatiques. Mais le bilan environnemental d'une voiture ne se réduit pas à ses émissions de CO2. Il faut aussi compter l'extraction minière des nombreux métaux nécessaires aux batteries et aux autres ordinateurs de bord de la voiture. Alors, comment se compare le bilan environnemental d'une voiture à essence avec celui d'une voiture électrique? On en parle en deuxième partie d'émission, analyse de cycle de vie à l'appui. Et pour le moment, on va aller prendre des nouvelles du télescope James Webb. Voilà maintenant plusieurs mois qu'il est en orbite et les premières images révèlent quelques surprises. Alors voyons cela avec Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne soirée Valérie. Alors, dans des entretiens précédents, vous nous avez déjà présenté le télescope spatial James Webb, mais peut-être vous pouvez nous rappeler brièvement ses caractéristiques et en quoi il se distingue des autres télescopes ou ce qu'il apporte de plus par rapport au télescope terrestre. Donc, le télescope James Webb, du nom d'un ancien administrateur de la NASA lors du projet Apollo, a été lancé il y a presque exactement une année, le matin du jour de Noël pour nous. Et il a navigué, entre guillemets, pendant 2 semaines pour atteindre un point éloigné de la Terre. Donc, il n'est pas en orbite autour de la Terre, mais il est en orbite autour du Soleil, dans une niche gravitationnelle qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2. On n'ira pas dans le détail. Ce qui le positionne à peu près à 1 500 000 km de la Terre, donc à peu près 4 fois la distance moyenne de la Lune à la Terre. Donc, c'est un point très avantageux où on place certains observatoires astronomiques pour observer le ciel, parce que d'abord, il n'y a plus la Terre dans les parages, du moins la Terre n'est plus très proche, mais elle demeure suffisamment proche pour assurer de bonnes communications. Donc, le télescope, qui est un grand projet qui a été développé sur une période de pratiquement 30 ans, a été finalement lancé après des années de retard, des augmentations de coûts assez faramineuses, mais heureusement, on se croise les doigts, pour le moment, tout fonctionne. C'est magique ce matin de lancement par la fusée Ariane 5 il y a un an et tout s'est poursuivi sans trop d'accrochage. Il observe depuis plusieurs mois des programmes qui ont été proposés par les astronomes, soit les équipes qui ont construit les instruments qui ont en premier l'accès privilégié. Donc, on observe de toutes sortes de choses, les planètes du système solaire, les étoiles proches, et on va jusqu'aux galaxies lointaines, et c'est peut-être le sujet sur lequel j'aimerais me concentrer aujourd'hui. Mais quelques éléments pour le télescope. C'est un télescope de dimension moyenne, je dirais même modeste par rapport au grand télescope qu'on a au sol. Donc, son miroir, qui est un assemblage d'hexagones de 1,3 m chacun, fait un diamètre approximatif de 6,50 m, ce qui est un télescope de bonne dimension. Pour l'espace, c'est le plus gros qui a jamais été lancé. Un rappel, Hubble a un miroir de 2,40 m. Donc, on est à peu près à quelque chose comme 8 à 9 fois de plus grand de surface. Et sur Terre, on en prépare qui font 30 mètres? Presque 40 mètres. 40 mètres? Ouais. Donc, qui est en construction au Chili par l'Observatoire européen de l'hémisphère sud. Mais tous ces télescopes, je peux le mentionner maintenant, en fait, sont tous différents et ils se complémentent les uns les autres. Ils font des choses différentes les uns des autres. On essaie d'exploiter chaque télescope pour ce qu'il est capable de mieux le faire. Donc, une chose qui est différente, non seulement par dimension par rapport à Hubble et certains télescopes sur Terre, c'est qu'il est syntonisé, entre guillemets, ses détecteurs, ses capteurs sont syntonisés pour observer une lumière que nos yeux ne perçoivent pas. C'est l'infrarouge. Donc, on entend parler de l'ultraviolet, c'est la lumière de longueur d'onde plus courte que la bleue que notre œil perçoit ou le violacé que notre œil perçoit. Et si vous voyagez dans le spectre des longueurs d'onde, vous voyez le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge et tout. Et vous savez qu'il y a des teintes absolument extraordinaires. Et chaque couleur, entre guillemets, est reliée à une longueur d'onde, une fréquence déterminée par la vibration atomique qui produit le rayonnement électromagnétique. Donc, en gros, pour résumer, je peux exprimer la longueur d'onde de ces lumières, donc qui est une autre façon de dire la fréquence, c'est que nos yeux, ou Hubble, ou d'autres télescopes au sol, en général, observent une fenêtre qui va entre un demi et un micron. Un micron, c'est un millionième de mètre. OK. Avec Webb, on est dans une plage de longueur d'onde plus grande qui correspond en fait le début que ce qu'on perçoit nous avec nos sens, la chaleur. Et là, ça va de l'ordre de 1 micron à 25 microns. Donc, vous voyez une plage énorme. Dans le visible, avec Hubble, on voit juste de 0,5 à 1. Donc, c'est un facteur de 1 à 2 à longueur d'onde. Ici, on voit de 1 à 25. Donc, c'est finalement comme 25 octaves de longueur d'onde. Donc, ça, c'est intéressant à garder en considération. Donc, je vais faire un commentaire tout de suite parce que vous avez tous vu beaucoup d'images du web à l'heure actuelle. Et on vous les donne en couleur. Mais c'est pas vrai, ce sont des fausses couleurs, entre guillemets. Donc, on prend les longueurs d'onde les plus courtes de Webb, on les fait correspondre au bleu que notre œil perçoit. Donc, les longueurs intermédiaires, on les fait correspondre au jaune. Les longueurs les plus longues, au rouge, au pourpre. Donc, on les dit fausses couleurs parce que notre œil ne peut pas voir C'est ça. ces longueurs d'onde. Donc, j'aime pas le nom fausse couleur, mais c'est celui qui est employé. Finalement, une couleur codée. C'est ça, exactement. Ouais. Ça correspond pas, c'est ça. C'est des longueurs d'onde qui n'ont pas, auxquelles ne sont pas attribuées des couleurs de toute façon normalement. Exactement. Donc, Donc, retenez ça, et je sais que pour beaucoup de gens, des gens ont été choqués finalement, d'apprendre tout d'un coup que c'était pas des vraies couleurs. Notre œil ne peut pas voir. Donc, Il n'y a c'est pas de vrai que couleur. Dans les mises, puis il y a des gens aussi qui m'ont dit, mais Hubble puis Webb, c'est pareil au même. C'est vrai que de prime abord, c'est la même chose parce que la résolution spatiale est la même à peu près. Donc, on voit pas plus de détails exactement avec Webb qu'avec Hubble. Ah Mais on oui. voit des choses différentes. OK. Mais est-ce qu'on voit plus loin, étant donné qu'il est Oui. peut-être le miroir est plus grand, est-ce qu'on voit plus loin? Est-ce que le fait de voir plus loin, ça ne nous donne pas plus de détails pour les objets plus proches, justement? Oui, en fait, il voit plus loin parce qu'il voit différemment. Et j'y reviens. Donc, mais juste pour terminer avec les fausses couleurs. Donc, juste pour que vous ayez en tête que vous ne vous sentiez pas frustré quand on vous dit fausses couleurs. Donc, mettez fausses entre guillemets d'abord parce que ce sont des couleurs, on les utilise et vous êtes habitué de voir des couleurs qui vont coder pour quelque chose. Les cartes météo qu'on vous présente. Ah oui. Donc, on vous montre quand il fait chaud, c'est du rouge, quand il fait froid, c'est du bleu et tout. La température, c'est ni rouge ni bleu. Ouais. Donc, les précipitations. Donc, voyez un peu l'analogie ici de codage. Exactement. Et pour faire bon, on dit qu'éventuellement, ça nous permet de voir peut-être plus loin, peut-être plus en détail, vous allez nous préciser ça. Donc, pour faire un lien avec l'entretien de la semaine dernière sur les distances, est-ce qu'on peut voir avec plus de précision, est-ce que ça affine les distances des corps célestes? À l'heure actuelle, jusqu'à un certain point, il n'y a aucun changement. On n'a pas de nouvelles balises pour mesurer les distances avec Webb. On utilise ce qu'on a utilisé depuis Aristarque, depuis le maître Hubble et tout. Donc, ce sont les mêmes outils. Donc, pour répondre à votre question, Valérie, il y a deux choses qui sont différentes avec Webb. Parce qu'on est dans l'infrarouge, que je vous ai expliqué. L'infrarouge, ça correspond à des longueurs d'onde plus grandes, donc elles sont plus difficilement coupées, bloquées par la poussière, ces fines particules qui occupent l'espace entre les étoiles. Donc, on voit, l'univers nous paraît plus transparent. Ça fait pas disparaître les poussières. Donc, on voit l'univers d'une façon plus transparente, mais il y a des poussières qui demeurent là, et d'ailleurs, le Webb est absolument un instrument fantastique pour explorer la nature de cette poussière parce qu'elle est à des températures qui vont émettre du rayonnement électromagnétique plus dans les longueurs d'onde pour lesquelles Webb a été construit, pour lesquelles on a des capteurs appropriés. Alors que pour le visible, on a des capteurs familiers que sont notre œil. L'ancienne plaque émulsion photographique et nos fameux détecteurs CCD qu'on a dans tous les appareils téléphoniques. Donc, première chose, Webb, en nous donnant l'infrarouge comme moyen de voir dans l'univers, on voit l'univers en plus grande transparence. Deuxième chose, qui revient au point que vous avez soulevé de voir plus loin. Donc, l'univers tel qu'on le voit proche, les étoiles et tout, ce sont des étoiles qui sont à des températures de quelques milliers, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 degrés même, émet le rayonnement électromagnétique en dominance dans ce qu'on appelle la fenêtre électromagnétique du spectre visible. Correspond à ce que notre œil voit. D'ailleurs, c'est une adaptation biologique à l'énergie dominante qu'on reçoit des étoiles comme le Soleil. Un phénomène fondamental, c'est celui de l'expansion de l'univers. Donc, l'expansion de l'univers est telle que les objets s'éloignent et la fréquence que nous, on observe, elle devient de plus en plus longue, ou la longueur d'onde, en fait, devient de plus en plus longue. La fréquence devient de plus en plus courte. Donc, le spectre d'une étoile qu'on perçoit ici lorsqu'elle est proche dans la fenêtre du visible, avec l'expansion de l'univers, ce spectre, en fait, quelque sorte, il faut s'intoniser à des longueurs d'onde de plus en plus grandes qu'ils sont d'autant plus éloignés dans l'univers parce que plus ils sont éloignés, plus ils sont emportés avec une vitesse plus grande par ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Donc, et la relation est simple. Un objet deux fois plus éloigné va paraître s'éloigner de nous deux fois plus rapidement. Donc, Hubble nous permet de voir très, très bien avec la fenêtre visible, je dirais jusqu'à de l'ordre du milliard d'années-lumière. Mais au-delà de ça, tout l'essentiel de la lumière est mise par les galaxies. Puis si on veut l'attraper, si on veut il faut changer notre synchronisation en infrarouge. Et Webb est là. Donc, Webb est équipé pour observer aux bonnes longueurs d'onde, s'ajuste et surtout avec ses 25 octaves, peut capter le signal même avec les plus grandes vitesses d'expansion qu'on peut explorer. Donc, Webb nous permet de voir par l'infrarouge d'une manière plus transparente et par le fait qu'il est mieux synchronisé aux longueurs d'onde qui se décalent de plus en plus en fonction de la distance, nous permet de voir les objets mieux, à plus grande distance, mieux parce qu'ils détectent le signal là où il faut capter, où le maximum d'intensité peut être perçu. D'accord, ouais, je comprends. Donc là, on va en revenir à ces images qu'on voit et notamment que nous révèle le télescope et notamment les images des galaxies, parce Oui. qu'il semble que ça ait causé quelques surprises. Oui, donc en gros, là, on pourrait parler de toutes les autres images, mais je dirais que toutes les autres images, il n'y a aucune surprise. Donc, j'ai publié en 2019 un livre, 30 images qui ont révélé l'univers, mais pour le moment, il n'y en a aucune de web que j'ajouterais pour faire 31 images. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a un petit signal, il y a quelque chose maintenant, il y a un grain de sable dans l'engrenage de la façon dont on commence à considérer l'univers plus jeune. Donc, le plus étonnant, comme on vient de voir, c'est que maintenant, avec Web, on peut voir des images qui nous paraissaient, sur les images les plus profondes de Hubble, qui paraissaient chaotiques et tout. Maintenant, on regarde ces mêmes galaxies qui sont à de très grandes distances. Ici, je parle de 10 milliards d'années-lumière et un peu plus. Rappelez-vous que l'âge inféré par la théorie du Big Bang est de l'ordre de 13,8 milliards d'années. Et même certains objets seraient encore plus loin, là, on va y revenir. Mais les objets qui nous paraissaient surtout à dominance très chaotique, et l'interprétation était ce qu'on regarde l'univers lorsqu'il était jeune, donc les galaxies sont en train de se former. Ouais. Donc, les morceaux commencent à être ensemble. Mais là, avec Webb, qui est beaucoup mieux synchronisé, qui est plus gros, on voit des images beaucoup plus détaillées. Et au lieu de voir des formes plutôt désorganisées, chaotiques, on voit des formes normales. Des Donc, formes normales, donc des galaxies. les galaxies sont comme celles proches de nous. Les Ah. galaxies sont en place, OK. bien formées, à peut-être jusqu'à des centaines de millions d'années seulement après la formation de l'univers. Donc, ce Donc, qu'on j'ai une croyait, belle analogie. on pensait observer des jeunes galaxies en formation, Ouais. puis on observe finalement des galaxies, je dirais, adultes, alors qu'elles Oui. devraient être jeunes. Mais on voit des jeunes. Avant, avec Hubble, on pensait que 90% des galaxies étaient en formation, toutes chaotiques. À l'heure actuelle, les premiers résultats de Webb montrent qu'à peu près 60% des galaxies ont de l'air bien normal. Ah, ouais. Donc, l'analogie que je fais, Valérie, c'est comme on a tous des photographies de ce lorsqu'on était à la petite école. OK? Donc, on se voit tous, et nos anciens amis, tout jeunes, tout petits. Imaginez-vous que quelqu'un vous apporte une image de vous à la petite école, et deux tiers des gens sur la photo de la petite école sont adultes. Ouais. Donc, vous diriez, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a truqué la photo et tout. Non, non, ici, il n'y a personne qui a truqué les galaxies à cette distance-là. Donc, je dirais, rester synchronisé. À l'heure actuelle, c'est la plus grande surprise. Donc, que les galaxies paraissent normales. Donc, c'est comme si les galaxies se sont formées et ont atteint leur état de maturité à une vitesse phénoménale, dans un temps extrêmement court. Et ça ne va pas. Il n'y a Ça. aucun modèle de formation de galaxies qui permet ça à l'heure actuelle. Ok, le temps est trop court pour leur avoir Oui. permis d'atteindre cette maturité. Ouais, mais c'est comme l'analogie que je vous donnais là. Ouais, en 7 ans, un petit bonhomme ne peut pas avoir l'allure de quelqu'un de 40 Non, ans. il peut pas avoir la barbe. Non. Donc, on est dans cette situation-là intrigante et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles observations et ça semble se confirmer, cet état mature d'une grande fraction des galaxies à de très grandes distances, donc quand l'univers était supposément très jeune. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées. Donc, je ne vais pas laisser entendre que c'est la révolution totale en formation de galaxies, en théorie de l'univers jeune à l'heure actuelle. Donc, restons calmes. Mais donc, est-ce que ça veut dire soit qu'il faut revoir la façon dont se forment ces galaxies? Est-ce qu'on peut même envisager un défaut dans la capture des images du télescope? Non, Non? non. Mais relié à ça, dans la façon dont on établit les calibrations pour exactement savoir que ces objets-là sont à très grande distance. Ah oui. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être des objets qu'on connaît mal, mais qui sont très proches? On pourrait, la façon, les techniques qu'on utilise, ça pourrait être ça. C'est quelqu'un qui est très proche, mais C'est une catégorie d'objets qu'on a mal identifiés, qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, moi, ça me paraît un peu improbable, mais ce n'est pas à rejeter. Autre chose, la qualité des images, pour revenir au point que vous soulevez, Valérie, la qualité des images est impeccable. C'est de belles galaxies et aucune surprise, justement, c'est le problème. Ah, On les voit très bien, là. C'est pas... donc c'est pas c'est ça, c'est pas un problème technique, c'est les images sont réelles. Donc, est-ce qu'elles sont, à la question qui revient, est-ce qu'elles sont vraiment à cette distance? Donc, c'est ça. Donc, c'est ce à quoi je viens de référer. Maintenant, si elles sont vraiment à ces très grandes distances, à un âge inféré par nos modèles cosmologiques de base, donc ce seront des galaxies qui ont quelques centaines de millions d'années d'âge, ils ont un problème avec la façon dont on considère la formation de galaxies, la formation des étoiles. Donc, il y a, tout doit aller beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et ça, on ne sait pas trop comment faire. L'autre chose plus dérangeante, c'est que finalement, le modèle de base avec le Big Bang, peut-être que ce n'est pas le bon. Peut-être qu'il faudra passer à autre chose. Et il y a un modèle qui a été proposé il y a plusieurs années, qui est le modèle de l'état stationnaire par Fred Hoyle et deux collègues dans les années 50-60, qui était en opposition avec le modèle de Big Bang, qui est celui que l'univers est éternel. Et les galaxies se forment et se déforment, se dissolvent sur des trillions d'années, mais que l'univers, quand on le regarde, où qu'on soit dans l'univers, à quelle époque que ce soit, l'univers ne change pas. Donc, ici, Webb nous donne un peu ce clin d'œil. Est-ce que l'univers change vraiment autant que la théorie du Big Bang, la cosmologie actuelle nous l'indique? Donc, c'est un peu ça là, qui est remis en question. Mais personne n'est prêt encore, Valérie, à faire ce bond assez iconoclaste. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir, on va avoir hâte de voir d'autres images. Peut-être que même que ça va réorienter les programmes d'observation pour mieux voir, mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Mais évidemment, ça ne changera pas les approches d'accorder du temps aux différents types de programmes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, pour éviter ces espèces d'effets de bandwagon, là, tout le monde saute sa même affaire, les comités d'attribution du temps de télescope sont divisés. Du temps pour les observations des objets du système solaire, du temps pour observation des étoiles, du temps d'observation pour les galaxies proches, du temps d'observation pour les galaxies à très grande distance. Donc, quelqu'un peut pas manger le lunch de l'autre. Donc, ça, c'est très bon. Ça garde un équilibre et ça évite ces effets de tout d'un coup, tout le monde perd les Évite pédales, on que s'en tout, prend. c'est ça. Évite que Mais tout. encore une fois, ça peut être un problème que j'appelle d'étalonnage. Donc, et tout. Donc ben, pour le moment, je dirais qu'un an plus tard, c'est la belle surprise de Webb. Est-ce que dans 2, 3 mois, je pourrais vous revenir, Valérie, et dire, bon, la question est réglée, je ne crois pas. Mais c'est que dans tous les cas, de toute façon, ça va remettre des choses en question, parce que même si c'est une question d'étalonnage, est-ce que ça va remettre en question certaines mesures de distance qu'on avait faites précédemment? Et puis si c'est une question de théorie soit sur le Big Bang ou sur la formation des galaxies, ça remet aussi des choses en cause. Donc dans tous les cas, il va y avoir une remise en question. Donc, là, une chose qui pourrait aider, c'est que dans une de ces galaxies qu'on observe avec le Webb, on a une supernova. Donc, on reconnaît quelque chose de familier. Le champ on observe relativement peu de galaxies dans un champ. La détection de supernova se fait avec des détecteurs qui observent de grandes portions de champ. On fait ça à partir du sol. Mais je veux vous laisser là-dessus. Webb fonctionne très bien. Les images sont spectaculaires. Rappelez-vous de fausses couleurs, ce sont des couleurs codées. Et rappelez-vous aussi que Webb donne beaucoup d'avantages, une plus grande transparence dans l'univers et la possibilité de syntoniser un peu mieux au fur et à mesure qu'on s'éloigne en distance dans l'univers. Eh bien, merci beaucoup, Jean-René, pour nous faire vivre ces découvertes et aussi ces surprises. Et c'est sûr que ça nous met un petit peu en appétit pour savoir quelles images vont encore ce télescope va encore nous révéler et quelles autres surprises vont sortir de cette boîte à surprises. Donc, merci Merci beaucoup, beaucoup. Jean-René. Donc, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université de Laval. Alors, on va faire une petite pause sur CKRL 89.1 et au retour, on se demande si les voitures électriques sont vraiment meilleures pour l'environnement que les voitures à essence. Sur vos brûlures, je t'ai.